Hier soir, je jouais aux échecs avec Sinistros. En fait, je crois que nous devrions rebaptiser le jeu au lieu d'échecs, simplement le renommer Sinistros. C'est tellement synonyme. Donc, nous étions en pleine partie et il faut souligner que Sinistros s'avère être un adversaire redoutable aux échecs. Il triche admirablement bien. Lorsque le téléphone sonna, je m'empressai de grimper au poteau et de répondre. C'était la grand-mère de Sinistros au bout du fil. Je lui dis « Bonsoir, chère mère Grand Gobelin. Que puis-je faire pour vous? » Elle me répondit « Ah, c'est vous, mon bon docteur. J'aimerais tellement que ce soit vous, mon petit-fils. Voulez-vous demander à ce crétin de petit gobelin s'il a prévu de venir chez moi le week-end prochain pour rateler les choses mortes qui tombent dans la cour? » Je transmis le message au pestilentiel assistant qui s'affairait à changer les pièces de place sur l'échiquier, bien sûr, pendant que je ne le voyais pas. Puis il me répondit ceci. « Docteur, dites à ma grand-mère qu'elle n'a qu'à nous faire parvenir les morts CDS, Corpse Delivery Service, et qu'ensuite, j'irai ramasser les feuilles mortes. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un bon médecin et un assistant douteux qui préfère prendre les chemins les plus courts par la tricherie plutôt que les procédures adéquates et justes. Bien pire lorsqu'il dit à un patient « Votre problème se situe au niveau de l'estomac. » Mais je vais vous arracher une dent, c'est plus rapide et plus facile. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, cause we said so. Let's go. Yeah! Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation en ce 2 octobre, première du mois d'octobre. Lors de disgrâce 2018, je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h en compagnie de cette créature indissociable de l'émission, soit le pestilentiel gobelin Sinistros. Tricheur de surcroît. Oui. Très performant d'ailleurs, je dois dire. J'ai jamais réussi à gagner une partie d'échecs avec lui. En fait, on l'a jamais amené jusqu'à terme. Comment vas-tu, Sinistros? C'est pas de tes affaires. Ben, effectivement, c'est pas de mes affaires. Puis donc, je m'en sacre pas mal, finalement. C'est parfait, ça. Ben oui, c'est excellent. Quelle belle entente. Tu t'en sacres autant que de la soirée d'hier, finalement, tu sais. Absolument. Parfait. Oui, tout à fait. Mais quoi qu'il en soit, c'était une très belle soirée hier, puis je vais te dire pourquoi. Ben moi, j'ai écouté des épisodes de Gotham, c'était vraiment... Ben moi, comme je te disais la semaine dernière, je me retape tous les Game of Thrones. Et il ne me reste que 2 épisodes totaux à écouter. Tabarnouche. Ouais. Donc, je me propose d'en écouter un probablement ce soir. C'était de la rafale. Ben, écoute, sais-tu quoi? Je croyais sincèrement que ça me prendrait beaucoup plus de temps que ça. Mais à raison de 10 épisodes par jour, c'est pas vrai. Moi, j'en écoute 3 en même temps. Trois TV, t'as dit. Essaye de suivre le fil, tu sais. On est rendu là. Okay, non, non. C'est trop con. Ben, tu sais, c'est quand même juste 10 épisodes par saison, une moyenne d'à peu près 50 minutes. Ça se fait bien, là. Tu sais, là, la belle saison est partie. Là, on est un peu moins dehors le soir. Fait que, tu sais, ça se fait bien. Mais je les ai passés. Je les ai littéralement dévorés, honnêtement. Donc, c'est fut une très belle soirée hier soir, tout ça pour dire ça. Comme premier bloc d'ouverture d'émission, nous avions un bloc conceptuel qui tournait autour de la hantise, soit des pièces qui portaient tous, ben, qui portent encore d'ailleurs tous le nom de Haunted. Non, il s'était facile, cette nom. Il a changé de nom, lui. Ah, ben, ça va être long, vous, hein? de la Floride à l'instant, 6 Feet Under et Haunted, tiré de l'album du même nom. Leur premier album, qui est paru le 25 septembre 1995. Et justement, en ce qui concerne 6 Feet Under, savais-tu que Jack Owen est rendu avec eux? Ben oui. Oui? Quand il est parti de Deicide, il s'en allait avec 6 Feet Under. Ben, pas tout de suite. Semblait-il. Non, 5 minutes après. Non. Jack Owen, il est parti de Deicide en 1952. Ah, OK. Il est parti de Deicide en 2016. Oui. Donc, c'est une année plus tard qu'il est arrivé avec 6 Feet Under. Ah. Ouais. Ben, ça. C'est drôle parce que l'album Torment, le dernier album de 2017, est-ce que tu l'as écouté? Oui. Oui. Comment tu l'as trouvé? Ben, moi, j'ai trouvé que c'était un très bon album. Ben, moi, je l'ai pas aimé du tout. Comparativement à ce qu'il avait fait avant. Hein? Ah, non, pas du tout. Moi, au contraire, okay. J'ai trouvé ça très, très mauvais comme album. Mais Jack Owen n'y est pas. Peut-être que le prochain album sera beaucoup. Parce qu'il y a un jeu de guitare très intéressant, ce gars-là. Effectivement. Juste avant de Suede Grave et Haunted, bien sûr, tiré de l'album Into the Grave, leur premier album paru le 1er août 1991 sous étiquette Century Media. Et nous avions ouvert avec le Roi Diamant, King Diamond du Danemark et Haunted, tiré de l'album le premier également, Fatal Portrait, qui est paru le 17 février 1986. Ce soir, à Réanimation, Sinistros nous fera la diligence de nous présenter des vieux albums qui sont parus respectivement il y a bien trop longtemps, que ce soit des nouveautés. Oui. Soit Anceton et Voivode. Oui. Et moi, je vous parlerai, moi aussi, d'une vieillerie, d'une formation de Liverpool qui donne dans un Stoner Doom. Les Beatles dans un Stoner Doom, oui, effectivement. Très, très bon Stoner Doom. C'était les Beatles. Stones. Ainsi que, à la fin de l'émission, une pièce extraite du nouvel album de Behemoth à apparaître ce vendredi 5 octobre, soit I Loved You at Your Darkness. Ceci dit, it's up to you. Et mon concept de bloc, il va dans la largesse musicale et la magnificence sonore. Mais dis donc pas des mots que tu comprends pas. Ok, c'est beau. On va y aller avec de la puissance sonore, finalement. Ça non plus, tu sais pas ce que ça veut dire. Non. Dis que tu proposes des pièces musicales. Non. Non? Je sais même pas c'est quoi. Ben, chante. Ah, non, ça vous voulez pas. Non, moi je sais c'est quoi. Oui, effectivement. Triptychon, le nouveau groupe de Tom Warrior avec ses nouveaux acolytes qui donnent dans un power assez assez volumineux. Nouveau, c'est quand même 8 ans. C'est quand même 8 ans, ben oui, mais c'est nouveau 8 ans. Toi, tu connais rien. Ben non, définitivement pas. Abyss Within My Soul, ça sera suivi de Rotting Christ, un autre groupe assez majestueux qui vient de la Grèce avec les Litanies de Satan et Enslaved, bien évidemment, qui nous donne dans un progressif métal fort intéressant. Oui, très, à tendance très viking. Moins, beaucoup moins viking. Beaucoup moins. Oui. Peut-être même, je dirais, très différent. Ben, depuis les 3-4 derniers albums, ils sont alignés vers un trip un petit peu plus prog. Ouais. Puis même que les membres du groupe, ils disaient que avec E, c'est la première fois qu'ils ont appris à composer comme du monde. Ah oui? Oui. Oh, ben fait qu'imagine-toi, c'est quand même une dizaine d'albums, là, tu sais. Ben, j'ose espérer qu'avant, ils se débrouillaient quand même bien. Là. Oui, peut-être, oui. Alors, allons-y tout de suite. Triptychon, Abyss Within My Soul. C'est tout? Ben oui. OK, let's go.

Le groupe des médias étudiants de l'UQTR vous invite à son Assemblée générale annuelle. C'est le moment idéal pour mieux connaître les activités, les objectifs et le bilan de l'organisme. De plus, il sera possible d'y trouver l'occasion de s'impliquer et de garnir son CV, car il y aura l'élection d'un nouveau conseil d'administration. Une consommation vous est gracieusement offerte. L'événement aura lieu le mardi 9 octobre prochain de 15h à 17h à la Chasse-Galerie. Tu aimes la pizza et tu aimes économiser? Botan Pizza est l'endroit idéal pour combler les deux. Profite de nos deux pour un. On est à 10 minutes à pied de l'université. Profite également de notre salle à manger avec ta famille et tes amis. Botan Pizza, c'est juste le meilleur. Pour plus d'informations sur notre menu, consulte leRestoZone.ca. C'est fou, 89.1. Vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, Undead Incorporated Show. Jusqu'à 21h en compagnie de Sinistros et moi-même. Et d'ailleurs, parlant de Sinistros, c'était ses choix musicaux à l'instant que nous venons d'entendre. Et oui. Je dois dire que ce bloc-là était fort bien. Très excellent même. Es-tu d'accord, toi, mon cher Horace? Il est jamais content. Il est jamais content. Ouais. Bon, on va te coucher, là. Enslaved avec The River's Mouth, qui est paru sur l'album E, le 13 octobre 2017 sur Nuclear Blast. Ça, c'est pas mal ma préférée de l'album. Ben, je l'aime pas mal tout l'album, comme tout l'autre avant, puis comme tout l'autre avant, puis comme tout l'autre avant. Ben ouais. Rotten Christ, groupe grec avec le poème de Charles Baudelaire, Les Litanies de Satan, paru sur l'album Rituals, qui est paru le 12 février 2016. Ça fait déjà quand même un petit bout, hein? Ben, ça va faire 2 ans. Oui, sur Season of Mist. Ça fait 2 ans. Et on a commencé avec les Suisses de Triptychon, Abyss Within My Soul. Quels sont? Oh oui, ça la puissance à x10. C'est paru sur Reparistera, Daimonaise, premier album paru le 23 mars 2010 sur Sanctuary Media et Prowler Depth Records. Je tiens à saluer l'automobiliste qui est parti de la Malbaie. Qui écoute nos conneries en s'en revenant à Drummondville. Je me demande de qui tu parles. Oui, je sais pas, mais si vous la voyez quelque part sur l'A20 puis une voiture qui se promène un peu, parce que si vous la voyez sur l'A20, dites-lui Hello Marlon! Hello! présentation, il n'y aura que 3 présentations cette semaine, juste 3. Juste 3. Seulement, juste ça. Mais ça. 3 choses de qualité, paraît-il. Ben, paraît-il, oui. Je pourrais te l'affirmer parce que, contrairement à toi, moi, les 3, je les connais, là. La première, ben, c'est mon choix. C'est une formation que j'ai retenue. Que je n'ai pas écouté encore. Écoute, tu vas en avoir un échantillon à l'instant. Je suis certain que ça va te stimuler à aller écouter ça. Mais juste le nom avec la pochette, tout ça va l'air plutôt cool. Ben, sais-tu, moi, en fait, je t'avouerais que la pochette, initialement, je l'ai trouvé un peu poche. Ah, là. Ben, c'est pas grave, ça fait mais, autre chose. Mais finalement, j'ai dit oui, oui, OK, ça peut avoir un lien, tout ça. Je vous parle d'une formation qui vient de Liverpool, et non, ce n'était pas les Beatles. C'était les Beatles. C'est les Rolling Stones. une formation qui donne dans un stoner doom. Il s'agit de Conan, formation qui existe depuis 2006, qui ont eu quelques petites pauses, environ d'une année, là, pour reprendre définitivement de 2009 à aujourd'hui. Il s'agit d'un trio qui sont... écoute, je peux pas vous dire vraiment... là. C'était des groupes connus avec qui ils ont été ou ils sont toujours, parce que moi, Dread Sovereign, puis Crawl, puis Maltouchian, ça me dit absolument rien. Là. Moi non plus. So, whatever, on s'en fout, parce que je vous parle de leur quatrième album, Existential Void Guardian, qui est sorti de façon indépendante le 14 septembre dernier, qui se... Je sais pas, étrangement, je l'ai vu sur certains sites qu'ils qualifient comme étant un hippie. Mais un hippie de 35 minutes, là... Ça commence à être un gros hippie. Avec cette pièce, là, je pourrais dire qu'on pourrait qualifier ça d'album assez complet. Là. Hippie à cheveux longs. Ouais, ben, oui. Voilà. J'ai été agréablement surpris dès la première écoute de cette formation Conan parce que, ben, tu sais, moi, je suis un fan des groupes comme Cathedral, Calm Down, ainsi de suite. Et là, j'ai retrouvé un peu l'ensemble, l'amalgame, si on veut, de ce que j'aime dans le stoner, dans le doom, mais aussi avec un côté parfois beaucoup plus brutal, metal. L'album, c'est ce qui fait que l'album est peut-être pas totalement égal, si tu veux. Si tu veux pas, je m'en sacre pas mal, là. Mais. Fait que ça veut dire que le vinyle, il y a des bosses dessus, puis l'aiguille saute. Ben voilà. Ah, okay. C'est à ça que je voulais en venir, là, finalement. Merci d'avoir résumé. Mais bref, j'ai beaucoup aimé ça. Et je vous propose, je lui ai donné un 9 sur 10. Si! Ouais. Parce que je dis brièvement, derrière cette présentation graphique peu invitante ou du moins discutable, se cache l'une des meilleures formations de stoner doom metal que j'ai pu entendre depuis longtemps. Tabarnouche. Ouais. Donc, je vous propose à l'écouter immédiatement deux pièces qui sont respectivement la pièce d'ouverture Prosper in the Path, qui va être suivie par la cinquième Volt Thrower. Et non, Bolt Thrower. Conan, let's go. Machine à remonter le tympan vous propose un voyage aux sources de la musique populaire tous les jeudis de 17h à 19h. Venez donc y prendre votre dose hebdomadaire de jazz et de roots. Le groupe des médias étudiants de l'UQTR vous invite à son Assemblée générale annuelle. C'est le moment idéal pour mieux connaître les activités, les objectifs et le bilan de l'organisme. De plus, il sera possible d'y trouver l'occasion de s'impliquer et de garnir son CV, car il y aura l'élection d'un nouveau conseil d'administration. Une consommation vous est gracieusement offerte. L'événement aura lieu le mardi 9 octobre prochain de 15h à 17h à la Chasse-Galerie. Fous de diversité. On est toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show, avec deux aimables animateurs, oui. Courtois, intelligent, érudit, mais complètement fou. Avant cette pause publicitaire, on a entendu la formation de Liverpool, Conan, et deux extraits de leur plus récente parution, soit le quatrième, Existential Void Guardian, qui est paru le 14 septembre dernier de façon indépendante. Comment tu trouvais ça? Moi, j'ai trouvé ça très bon. Là. Ah, moi, je côté très, très, très agressant et très agressif. Oui, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, moi. Honnêtement, là, c'est ça sonne comme un ventilateur. Oui, et espérons qu'il n'y a pas de quoi qui va revoler dedans. Moi, c'est vraiment un... Dans le genre stoner, doom, c'est un son comme ça qui vient me chercher absolument et littéralement. Je lui ai donné, comme je disais, une note de 2 sur 10, non, 9 sur 10. Et il fait déjà officiellement et assurément office de mon top 10 de l'année 2018. Formation qui un trio qui donne dans, comme je le disais, dans un Stoner Dome, dont l'inspiration musicale tourne autour des Vikings, des mythologies nordiques et des batailles. Je n'ai pas eu le temps d'aller fouiller, de revoir en arrière, surtout de réécouter en arrière ce qu'ils ont fait avec les précédents albums comme Revengeance, Blood Eagle, qui n'est pas nécessairement un traitement intéressant pour un ennemi, avoir le Blood Eagle, ainsi que Monos, mais je vais le faire assurément, parce que si ça ressemble à ça, c'est sûrement quelque chose que je vais beaucoup apprécier. Ben, c'est le temps d'y aller avec ta première présentation, ta première vieillerie, mon cher Sinistros. T'avais pas du cinoche à nous raconter, toi? Ouais, ça va être après ça. C'est après ça, d'accord. C'est parce que ça va me laisser le temps d'écouter le film avant d'en parler. D'écouter le film avant d'en parler, ouais, okay. C'est ça, je l'ai pas écouté, non, c'est pas... Non, je pense que j'ai hâte d'entendre ta chronique sur Satan. Ville voisine de Liverpool, Newcastle. Ben oui. On y va avec une formation qui n'a plus de présentation à faire, qui fait partie de la... Maintenant, non. Il y a un certain temps, oui. Le silence groupe, pendant des années. Un groupe qui a été longtemps associé au mouvement New Wave of British Heavy Metal. Ben, je pense qu'ils le sont encore. Ça a été dénié par les membres du groupe. Ouais. Ils disent qu'on n'a rien à voir avec ça. Ils disent on veut rien savoir. Ah oui? Oui. Effectivement, ils disent nous autres, on est plus crus. Puis effectivement, c'est vrai. Il y a un côté un peu plus raw dans leur musique que le... Ben, je serais porté à croire que c'est vrai parce que je me rappelle pertinemment quand le premier album, Court in the Act, est sorti. Il y a des petites saveurs speed metal qui sortent de temps en temps. C'est vrai que ça faisait déjà un petit peu plus heavy, oui, que la New Wave of British Heavy Metal. Plus rapide, plus cru, plus puissant, plus moins dark aussi. Plus dark, puis moins de vocaux. C'est plus carré. Là. On va y aller avec le cinquième album de Satan qui est paru il n'y a pas très longtemps. Le 7 septembre dernier. Qui s'appelle Cruel Magic. Ben, laissez-moi vous dire que Cruel Magic, c'est possiblement le meilleur album de Satan depuis Court in the Act, qui est paru en 1983. Ce c'est vraiment quelque chose. Il y a des duels de guitare, d'un niveau de composition inégalé chez Satan. C'est vraiment quelque chose de vraiment grandiose, là. Ouais, mais t'as l'air en plus sincère. Ben oui, écoute, ben, c'est depuis leur retour en 2010-2011, je crois, ils accumulent les bons albums. Ben, ça, je suis d'accord avec toi. C'est Life Sentence, après ça, ils ont sorti... Life Sentence, c'était en 2013. T'as eu Atom by Atom. Atom by Atom, qui était très bon aussi, mais celui-là, là, il accote les deux autres haut la main, là. Fait qu'on va y aller avec trois pièces que j'ai choisies, la 1, la 3 et la 5. Ben écoute... OK, faut que je donne les titres. Vous n'êtes pas obligé, tu peux le faire à la fin, ça, au retour. Mais t'as tellement l'air convaincu que je pense que ça vaut la peine qu'on ait écouté ça. Into the Mouth of Eternity, Satan. Let's go. the poison kiss I bring. Men have learned to fear. Dread this deadly sting. Tremble when I'm near. I have nothing but contempt for the lies of man. Sliver in the dust. Oui. Effectivement. Très, très bon album de la part de Satan. Cruel Magic, qui est paru le 7 septembre sur Metal Blade Records. On a entendu les pièces Ophidian, qui est la cinquième, de Doomsday Clock, dont il y a un vidéoclip. Vous pouvez visionner ça sur YouTube. C'était la troisième pièce. Et Into the Mouth of Eternity, qui est la pièce d'ouverture de l'album, qui est 9 points quelques sur 10. Ah oui? Ça, ouais, on lui aussi? Tu vas manquer de place. Ah, mais non, tu as des top 700. Toi, oui, j'ai des top 1000. Ben, cette année, non. Après moi, cette année, ça va arrêter à 70 peut-être. C'était quoi l'année passée déjà? Ouais, il n'était pas bien élevé celui-là. Non, mais je parle de ton top, peut-être combien? Il avait 100 quelques albums, ouais, ça? 140 peut-être. Ben oui, mais là. Mais là quoi? Il y avait des bons albums l'année passée. Oui. Ouais, contrairement à cette année. Hein? Ouais. Ben, sais-tu quoi, justement, en parlant de ça, je suis allé voir les upcoming metals releases. Quelques bonnes choses qui s'en viennent, ouais, encore. Ouais, mais c'est pas la manne. Non, c'est pas le pas. C'est pas, ça se bouscule pas. 2018 n'est pas un grand cru. Il y a des très, très bons albums. Il y a de très bons albums. Il n'y a pas une quantité extrême, mais non. Je trouve ça quasiment correct de même. Ça coûte moins cher. Ouais, effectivement. Mais c'est peut-être aussi le fait que quand on trouve vraiment un bon album, on est porté à l'écouter plus longtemps aussi. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup d'offres et beaucoup de demandes aussi. Tu sais, des groupes, des albums, ils en sortent. Ben, à un moment donné, tu sais... J'en sors beaucoup moins Sinistros que... Rappelle-toi, là, dans les années 70, il y avait des bandes qui vont sortir 2-3 albums par année. Effectivement. Même dans le début du métal, c'était, bon, c'est peut-être pas la bonne chose à faire, j'en conviens, mais c'était monnaie courante d'avoir 2 albums par année. Là. Ça brûlait des bandes aussi. Oh, donc, effectivement. Évidemment, là, mais bon. Ben, toujours est-il que Satan, oui, c'est un bon album, c'est pas mon préféré. Mais par contre, Satan, c'est un groupe pour lequel, moi, qui est pas mal détaché du heavy metal dit plus traditionnel, si on veut, là, c'est un groupe pour lequel j'ai toujours beaucoup de respect. Ça fait encore partie des groupes avec que je trouve toujours intéressant d'écouter et de réécouter. Petite chronique cinéma. Ce vendredi 5 octobre, eh bien, ça devrait être bien comme film de Marvel, ça. Venom, avec Tom Hardy. Tu connais Venom? Ben oui, à peu près. Ben oui, tu me le présenteras si tu le connais. Ah, ouais. Je viens le rencontrer. Ben, c'est un peu... Est-ce que Venom, c'est un vilain ou c'est un super-héros? Je sais pas. Ben, c'est un anti-héros. Un anti-héros. Ce qui veut dire que c'est pas un vilain, c'est pas un bon, c'est selon l'occasion. Moi, en espérant qu'il fasse pas une stupidité comme ils ont fait avec comment ça s'appelle là? Il y a eu un film récemment là, il mange des tacos là puis il se promène avec un gun. Deadpool. Ah non, moi j'ai adoré Deadpool. Ah, pas capable, moi je trouve ça tellement con. Non, c'est parce que tu prends ça au premier degré, toi. C'est parce que Deadpool, là, c'est l'antithèse du film super-héros traditionnel. Ça se veut être tout ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne s'attend pas à voir dans un film de super-héros qui est dit sérieux habituellement. Là, c'est juste du déconnage, mais avec l'action exagérée et la violence qui vient avec, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les films de super-héros, parce que je sais pas ce que t'aimes dans les super-héros, là. C'est-tu Captain America, c'est-tu Iron bien, Man? J'aime bien la série des Avengers. Bon, ouais, ben, j'aime beaucoup Batman. Bon, mais ben, tu vois quand même que c'est toujours un film qui s'adresse généralement à un public un peu plus familial. Alors que là, Deadpool, là, c'est pour des gens avertis, là, c'est pour des adultes. Oh, ouais, c'est sûr. T'sais. Moi j'aime beaucoup cet aspect-là qui est complètement flyé. Bon, Venom, je doute que ce soit le cas parce que c'est Tom Hardy. Puis Tom Hardy, c'est un... Ben, je dis pas que... Comment il s'appelle déjà l'acteur de Deadpool? J'ai un blanc de mémoire. C'est un Canadien. Alors, peu importe. Lui. Oui, lui. Je dis pas que c'est pas un bon acteur, mais Tom Hardy, c'est un gars qui s'imprègne énormément de ses rôles, puis généralement, il fait des interprétations qui sont plus dites sérieuses. Donc, puis il y a un qualificatif dans le genre dans lequel il est classifié qui est horreur avec Venom. Oh. Donc, ça pourrait être un peu plus... Plus dark, effectivement. Ça met aussi Woody Harrelson, donc je suis vraiment curieux de voir ça. Ça intéressant. Qui n'a jamais été en soi un personnage, oui, qui m'a vraiment attiré en tant que tel. Moi, je le connaissais pas réellement. Là, j'avais vu dans quelques BD quand j'étais plus jeune, mais Je vais quand même lui laisser une grande chance, c'est certain. Comme j'ai dit là, lors des dernières éditions de Réanimation, les chroniques de cinéma, maintenant, je vais me restreindre à un titre. Parce que sinon, ça devient trop long. Mais aussi le fait que ça prend du temps de chroniquer ça, hein, penser quelque chose. C'est sûr. Donc, même que sur Hurlemort, moi, ça fait une éternité que j'ai pas chroniqué un film. Même, je pense que les derniers Star Wars, je les ai même pas chroniqués. Ben, je pense que le dernier film que t'as chroniqué, c'est Les Gendarmes et les Extraterrestres. Oui, je pense que c'est ça. Oui, c'est le film de 68. Oui. Là. avec Louis de Funès en passant, pour les incultes. Oui, dont je suis. Oui. Ben, c'est, comme je disais, donc, c'est un peu par manque de temps, mais c'est aussi parce que je veux me concentrer à faire plus une chronique intéressante et plus concise. Bon, pour une fois, tu... Parce que ça risque pas d'arriver de toute manière. Veux-tu bête terre, toi? Ghost Stories, ça dit quelque chose? Ben, j'en ai entendu parler, j'ai vu passer ça sur les... sur le Netflix, il en parle un peu. Okay. C'est un film pour lequel j'avais beaucoup d'attentes, honnêtement. C'est un film qui met en vedette Martin Freeman, qu'on a pu voir dans Bilbo, entre autres, mais c'est l'interprète de Bilbo. Et qui raconte l'histoire du professeur Goodman, un professeur en psychologie, qui s'évertue à vouloir mettre à jour les charlatans comme les médiums, tu sais, les gens qui rassemblent des gens sous une tente, là, puis qui disent bon, votre fils va communiquer avec vous qui est décédé, et ça, bon, ce genre de charlatan-là, démystifier ce genre de pratique-là, jusqu'au jour où il reçoit une lettre qu'il croit être vraiment arrivée de l'au-delà, puisque elle provient d'un animateur des années 60, parce que c'est actuel le film, d'un animateur d'émission télévision des années 70 qui faisait la même chose, qui démystifiait des phénomènes qui étaient dits surnaturels et paranormaux. Et ce dit animateur-là, un jour, on a retrouvé sa voiture dans un parc, la porte du chauffeur ouverte, on ne l'a plus jamais revue. Donc, il était considéré comme étant disparu, mort. Et il reçoit une lettre de lui le convoquant dans un trailer park. Donc, très, très curieux et aussi excité de voir que ça pourrait être quelque chose de très particulier comme rencontre. Il se rend à l'endroit et arrive dans un trailer park où le dit Charles en question, cet animateur de télévision-là, il est rendu très vieux, très malade, rentre dans sa maison mobile, puis il y a des solitudes décrochées partout, là. Puis il lui dit, voici trois cas que je n'ai jamais pu résoudre. Puis il dit, je vais te les confier parce que ce que tu fais actuellement comme travail, c'est de la merde. Tu c'est vraiment pas bon. T'as absolument rien compris de ce que c'est. Donc, si t'acceptes de pouvoir tenter de résoudre ces trois cas-là, tu vas probablement pouvoir comprendre la réalité et l'essence même du travail que tu devrais faire. Il accepte finalement. Et c'est le film, ces trois cas qu'il doit résoudre, qui n'ont généralement, en fait, qui ne semblent pas avoir de lien entre eux. Avoir des attentes pour un film, c'est une chose. Mais attendre en écoutant le film qu'il se passe quelque chose, c'est autre chose. Donc, j'ai dû attendre au moins la moitié du film avant d'arriver à quelque chose. Les deux premiers cas sont vraiment très banals. Très, voire je dirais très ennuyants. Le film est très lent. C'est un film britannique. Puis alors, normalement, les Britanniques ont compris comment faire l'horreur. Mais ici, je pense qu'ils ont échappé un petit bout qui, généralement, captive ton public dès le début. Sinon, ça se peut qu'ils décrochent. Mais ils l'ont pas fait. Il faut arriver, comme je disais, jusqu'à la moitié du film pour avoir quelque chose qui, somme toute, est assez original. La moitié du film, la dernière moitié du film, plutôt, est assez originale et correcte et elle remanie l'ensemble de ce qu'on a vu. Pour cet aspect-là, j'ai trouvé ça intéressant. Mais j'ai failli littéralement m'endormir, par contre, dans la première moitié. Donc, Ghost Stories, c'est un film qui est correct. C'est un film qui a un certain niveau d'originalité, mais par ses faiblesses qui sont très évidentes et qui ne permettent pas aux spectateurs de se sentir captivés, ben c'est pas suffisant pour en faire un bon film. Fait que, mais ça vaut la peine que tu l'écoutes quand même, pour t'en faire une idée, si t'aimes le genre hantise et ces choses-là, là, parce qu'il y a des bouts intéressants, mais tu sais... Si c'était une série de télévision, tu peux te dire un épisode est pas trop bon, c'est correct, mais il y en a d'autres pour le racheter, là, tu sais, mais c'est pas le cas, c'est un film. Fait que, ben, bref, voilà. Ta deuxième présentation de la soirée s'adresse à une formation qui est probablement une de tes meilleures et préférées, n'est-ce pas? Possiblement la meilleure. Oui, ben oui. Ma préférée, mm-hmm. Et ça depuis 1984, mm-hmm. Avec la sortie du premier album. Voyvod. Ah, ben oui, il fallait le dire. Warren Payne. Ben oui, effectivement. Voyvod qui nous arrive avec leur 14e album, et comme à chaque sortie d'un album de Voyvod, ça suscite toujours un espèce de vif intérêt puis une impatience quelconque chez moi. Je sais pas si ben, c'est comme je ça. Suis plusieurs personnes, j'imagine. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais à moi, c'est toujours comme un événement en soi. Mm-hmm. Cet événement-là, il était vraiment grandiose parce que l'album, c'est possiblement un des meilleurs depuis The Outer Limits. Et c'était le premier album studio complet auquel collaborait Chewie au niveau de l'enregistrement? Non, il a fait Target Earth. C'est vrai, t'as raison. Il a fait Target Earth. Ben oui, c'est vrai. Ça, cet album-là, il a supplanté Target Earth à plate couture. Ouais, Voyvode s'aventure dans des contrées jusqu'ici inexplorées. Oui, on a encore les sonorités de Dimension Atroce. On a encore les sonorités de Nothing Face. On a certains sons qui viennent d'Angel Rat et des Outer Limits, bien évidemment. Mais Chewie, il s'est vraiment accaparé Voyvode. Il a mis son grain de sel pas mal plus que dans Target Earth. Pour ne pas dire son mon grain de sel. Oui, son il y a des influences de jazz là-dedans. Il y a du post-punk là-dedans. Des bouts, on a l'impression que t'entends Killing Joke. Après ça, Space Rock. T'as l'impression d'entendre King Crimson. T'as un paquet d'influences. Puis ils ont mis ça de main de maître avec une superbe production signée Francis Perron. C'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de vraiment puissant. Mm-hmm. La dernière pièce à elle seule, c'est un récapitulatif de les sept autres pièces avec des riffs empruntés ici et là à chaque pièce pour faire un tout, pour tourner, pour fermer la boucle de l'album. Mm-hmm. J'ai donné un 9.8 sur 10. C'est la plus haute note décernée par Hurlemort depuis 2011. Il va sans dire que c'est en lice. Si la tendance se maintient, ça va être l'album de l'année 2018 dans mon cas. Mm-hmm. Probablement dans le cas de beaucoup de monde. Alors, The Wake, c'est quelque chose de vraiment fort qui est arrivé cette année. Quelque chose de vraiment fort pour la carrière de Voivode. C'est un renouveau. Puis espérons que ça va continuer comme ça. Snake est en pleine possession de ses moyens. Il joue plusieurs personnages. Il nous a concocté une histoire à bracadabrante sur la folie. Puis un paquet de... C'est vraiment capoté. Fait que j'ai choisi trois pièces. Always Moving, qui a été faite en vidéoclip. Il va y avoir The End of Dormancy. Ça, c'est une de mes préférées de l'album. Et Orb Confusion, qui a un petit côté industriel par bout. Là. Mm-hmm. J'aime bien ce petit côté mechanical. Là. Mm-hmm. Alors, c'est paru sur... C'est pas paru sur Metal Blade, ça, cher ami. C'est Century Media. Non. C'est OK, Century Media, t'as raison. C'est pas lire, toi. Je sais. Alors, The Wake, qui est paru le 21 septembre, va dans pleine forme. Allons-y. Always Moving. Let's go.

Pizza et tu aimes économiser? Botan Pizza est l'endroit idéal pour combler les deux. Profite de nos deux pour un. On est à 10 minutes à pied de l'université. Profite également de notre salle à manger avec ta famille et tes amis. Botan Pizza, c'est juste le meilleur. Pour plus d'informations sur notre menu, consulte lerestozone.ca. Salut, Trifluviens, Trifluviennes, c'est Marc Gagné de l'émission C'est dans ta face, là où je brise ta routine avec pas trop de blabla pis ben du rock. Fait que attache ta tuque, c'est dans ta face, mardi de 16h à 17h à la Radio Campus, c'est fou 89. Fou de musique du monde. C'est fou 89. Et l'émission tire à sa fin dans 12 minutes, hein, finalement. Sinistros, on vient d'entendre trois extraits que tu as choisis sur le nouvel album de Voivod. Oui, The Wake, qui est paru le 21 septembre. On a entendu les pièces Orb Confusion, The End of Dormancy et Always Moving, qui étaient respectivement 3, 2 et 7 sur l'album. Album qui est paru en vinyle, trois faces avec un etching C'est cool. C'est un beau vinyle. Oui, ouais, c'est un bel objet. Là, bel objet. Oui. Avec un poster intégré dedans, comme dans le temps. C'est cool. Ah, c'est le fun quand tu mets des trucs comme ça. Oh, tu vois, je me suis procuré le dernier D-Side en petit coffret de luxe avec une batch à code, trois stickers, un médaillon. Ça te force à apprécier ton objet. T'sais, Oui. Tu as eu tout ça quand tu as un CD, ta boîte en plastique, puis juste un petit encore, rien dedans. Tu ris-tu de moi? Au prix, tu ne vends ça, commande. Ben oui, tout à fait. Ben moi, tu vois, cet album-là de Voivode, j'ai trouvé très bon, moi aussi. J'ai accordé une note qui est moins grandiose que la tienne. Toi, tu connais rien. Oui, je connais peut-être pas ça, Voivode, seulement. 8 sur 10. Moi, ce que je lui reproche à cet album-là, mais ça, c'est subjectif. C'est que, définitivement, comme je te disais, moi, je préfère le crunch de Voivode de l'époque, mais j'apprécie beaucoup ce qu'ils font aujourd'hui, mais je lui trouve qu'il lui manque un petit peu de mordant. Il est un petit peu trop planant à mon goût. Ça, mais tu connais rien. Je connais quelque chose, par exemple, comment te mettre à la porte, ça, je sais. Il reste 11 minutes. C'est suffisant. La semaine prochaine, Sinistros revient avec les traditions, c'est-à-dire sa portion de l'évolution métallique selon Sinistros. Ben oui, partie 6. Oui, dans les années 80, 1980 d'ailleurs. Oui, c'est 1980. 1980. Moi, la semaine prochaine, je vous présenterai de façon un peu plus élaborée le nouvel album de Behemoth, I Loved You at Your Darkest, pardon, qui paraît ce vendredi. J'ai vu quelques entrevues avec Nergal, là, puis... c'est tellement un personnage différent sur scène. Il est tellement différent sur scène. Bon, et ne manquez pas ce vendredi pour les vrais amateurs de vrai rock classique avec notre ami le Rockmaster René Lefebvre dès 11h, ici même à C'est fou 89.1 FM. L'émission de notre autre ami DJ Tower of Death, subversion, vous trouvez sur SoundCloud, et le blog de notre ami Sinistros. Je dis notre ami, ça m'exclut là-dedans, évidemment. Hurlemort.com. Il est à noter que maintenant, réanimation, chaque mardi, il va y avoir quelque chose de spécial à partir de maintenant. Ouais. Ben, en fait, la semaine prochaine, c'est le retour d'Évolution métallique. Oui, qui va avoir lieu à tous les deux mardis du mois. À tous les deux mardis du mois. C'est ça. Ben, comme c'était avant. Oui. La semaine prochaine, ben, on l'a dit, ben, c'est ça. Le 16, on aura une portion qui va revenir, qui a longtemps qui était disparue, mais qui revient, une portion industrielle. Oui, portion mécanique. Oui, tout à fait. Et la dernière émission du mois, bien sûr, se porte pour l'album marquant. Et la première émission, ben, on est en train de concocter quelque chose. Ça sera pour la première émission du mois de novembre. Absolument. On vous laisse avec mes derniers choix qui sont dans l'ordre Marduk. Du black metal. Tu fais ça. Avec Into the Second Death, un des rares groupes que j'aime vraiment. Ouais, c'est black un très metal. Bon album, celui-là. Serpent Sermont, leur 12e paru en 2012. On va avoir Cannibal Corpse. Ah non, tu mets pas ça, toi, non. Ben non, je mets pas ça. Avec Only One Will Die, qui est tiré de Red Before Black, leur dernier. Paru le 3 novembre 2016 sur Metal Blade. Et on va terminer avec la pièce de Behemoth, formation polonaise, avec Wolves of Siberia, qui est tiré de I Love You at Your Darkest. 11e album à paraître ce vendredi sur Mystic Production. On se retrouve la semaine prochaine et sur ce, allez tous vous faire foutre. See ya. We'll be right back. cause you to fall. Mother, money, wounded, and so a prison line. Put the money to the devil, only one will die.